Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM que j'ai intitulé, être ou ne pas être chômeur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réforme Macron de l'assurance chômage produit des effets, surtout contre les chômeurs considérés désormais comme des êtres erratiques qu'il faut mieux contrôler. La surprise est grande pour les nouveaux chômeurs lorsqu'ils se trouvent confrontés au nouveau système de Pôle emploi. Mieux vaut être féru en informatique pour être admis comme chômeur, pouvant percevoir une allocation plus ou moins importante selon les salaires versés précédemment. Le salarié qui a perdu son emploi, déjà traumatisé par la rupture et souvent par ce qui l'a précédé, se retrouve face à des procédures qui le déroutent de par ses complexités. En fait, c'est à lui de constituer son dossier, depuis chez lui, seul à devoir maîtriser son inscription devant son ordinateur. Si l'on n'y arrive pas, Pôle emploi vous impose une formation loin de chez vous et à vos frais. C'est sympa, ce premier contact déshumanisé et particulièrement coercitif, si on a le malheur de se tromper. Dossier refusé, proclame la machine. Si vous n'avez pas d'ordinateur, ou si celui-ci tombe en panne, vous êtes autorisé à utiliser celui de Pôle emploi. Mais là, il ne faudra pas trop compter sur l'aide des agents qui sont débordés ou affectés à d'autres tâches. Contrôler, sanctionner les chômeurs est le principal rôle de Pôle emploi désormais. Bien évidemment, en échange de votre fébrilité à retrouver un emploi, vous aurez en temps voulu les offres d'emploi vous concernant, auxquelles vous devrez répondre immédiatement, sous peine de radiation. Efficacité, me direz-vous. Oui, mais là où le bât blesse, c'est que les offres seront d'abord fonction de votre ancien métier. Si par malheur vous avez été déclaré, par exemple, inapte à votre ancien emploi, vous devrez tout de même répondre à des offres référencées selon votre ancienne situation, et pas forcément selon vos souhaits. Autre innovation, désormais, le système à broyer des chômeurs oblige à accepter des offres dans un rayon de 30 km. Si vous n'avez pas de véhicule, tant pis pour vous. Et tant pis pour vous si l'emploi ne correspond pas à vos horaires de bus et aux contraintes de la garde des enfants. Et puis, si vous avez la chance de posséder un véhicule, au prix du fioul et celui de l'entretien du véhicule, le coût kilométrique est d'environ 50 centimes, tarif impôt, hein, un peu plus suivant. Faisons un rapide calcul. 30 km à 0,50, multiplié par 2, 30 euros par jour, multiplié par 22 jours ou davantage, 660 euros mois. Pour un salaire au SMIC, ça fait beaucoup. Et à cela s'ajoutent les frais pour le repas de midi, si on ne fait pas de journée continue, la garde des enfants, et sa vie à assumer au quotidien. Que dire si le chômeur va tomber dans le piège du travail à temps partiel? Eh bien, vous payerez de votre poche pour avoir le droit de travailler, y compris le dimanche, puisque M. Macron, dans sa grande générosité, a libéralisé le travail du dimanche pour le bénéfice des patrons, alors qu'il était ministre d'un gouvernement prétendument socialiste. Alors, chômeur, préparez-vous à vous remuer, y compris les ménages pour l'emploi, guette chacun de vos faits et gestes pour découvrir vos lacunes et rechercher un emploi, afin de vous radier ou vous placer dans des formations parking obligatoires, afin de rechercher un emploi, les formations qualifiantes étant d'un coût, la plupart du temps, trop élevé. Monsieur Macron l'a dit, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Des agents de Pôle emploi très zélés n'hésitent pas à marteler ce slogan. Du travail, il y en a. Il suffit de se remuer pour le trouver. Posons-nous la question, à quel prix, à quel coût humain et financier, à l'extrémité de quelle démarche humiliante? De quoi s'indigner face au sort réservé aux chômeurs? Que dire des médias qui emboîtent le pas de M. Macron et le félicite de la diminution du nombre des chômeurs, sans aborder les conséquences d'une politique qui considère les chômeurs comme des êtres, je le disais dès le départ, être ou ne pas être, qui doivent être culpabilisés d'être chômeurs, même si l'on est esquinté par son travail et rejeté aux poubelles du macronisme libéral socialement mal pensant. Voilà, je tenais quand même à me faire le porte-parole des chômeurs qui découvrent le nouveau système de recherche d'emploi, d'inscription et de recherche d'emploi. Il y a de quoi être indigné par ce qui se passe actuellement pour les chômeurs. Hein, d'autant plus que la précarité a terriblement augmenté et qu'il faut 6 mois maintenant de travail pour être indemnisé par l'assurance chômage. Voilà qu'il est de moins en moins assurance chômage, mais de plus en plus chômage Pôle emploi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et puis je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.